Eh bien, pourquoi, mon enfant, ne ferais-tu pas ton mari du père videur ? Mais c'est fait, madame, dit la jeune fille en regardant la baronne d'un air plein de fierté, sans rougir, le front pur, les yeux calmes. Il m'a dit que j'étais sa petite femme, mais c'est bien embêtant d'être la femme d'un homme. Allez, sans les pralines. Mon Dieu, se dit à voix basse la baronne, quel est le monstre qui a pu abuser d'une si complète et si sainte innocence? Remettre cet enfant dans le bon sentier, n'est-ce pas racheter bien des fautes? Moi, je savais ce que je faisais, se dit-elle en pensant à sa scène avec Crevel. Elle, elle ignore tout. Connaissez-vous monsieur Samanon ? Demanda la petite Atala d'un air câlin. Non, ma petite, mais pourquoi me demandes-tu cela ? Bien vrai, dit l'innocente créature. Ne crains rien de madame, Atala, dit la femme du fumiste. C'est un ange. C'est que mon gros chat a peur d'être trouvé par ce Samanon. Il se cache, et que je voudrais bien qu'il pût être libre. Et pourquoi ? Dame, il me mènerait à Bobino, peut-être à l'ambigu. Quelle ravissante créature ! Dit la baronne en embrassant cette petite fille.